Donc, simplement pour resituer l'objectif de ce groupe de travail, énergie et mesure. Donc, aujourd'hui, on a deux grands volets à la réunion. Le premier temps qui sera dédié à une discussion sur des nouveaux critères que nous souhaitons intégrer à notre base de données cette année, donc avant de lancer notre collecte, donc dans le cadre du baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Et une deuxième partie où on refera le point sur des dispositifs réglementaires, donc les classiques du genre, vous les connaissez, décret tertiaire, l'ARE 2020, on vous a aussi préparé quelques infos récap sur la SNBC et la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Ok, donc juste le décret tertiaire, donc vas-y Théophile. Voilà, donc cette slide-là, je passe très rapidement parce que je pense que tout le monde la connaît par cœur. Donc, les deux objectifs, soit en valeur relative, soit en valeur absolue, enfin, les deux méthodes d'atteindre des objectifs. La réduction, donc, en valeur relative, moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050. En valeur absolue, des fixations de seuil par type d'actif. Donc ça, ce sont les principes généraux qui ont été publiés dans l'arrêté méthode qui a été soumis à consultation publique en janvier, qui devait être publié normalement fin février et à ma connaissance, il n'est toujours pas signé aujourd'hui. Parallèlement, l'arrêté valeur absolue, je suis toujours slide précédente, voilà. L'arrêté valeur absolue est toujours en cours de préparation. Voilà. Donc je vous ai mis ça, c'était une slide qui avait été faite par Marc Leroux sur les différentes méthodes, qu'est-ce que ça pouvait faire sur deux immeubles différents. Voilà, donc on peut passer. Donc l'arrêté valeur absolue, il est en cours de préparation. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des groupes de travail qui sont constitués par typologie d'actifs. Effectivement, différentes associations et fédérations sont en appui des services de l'État pour cette concertation. Sauf que, évidemment, là pour le coup, la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à ces réunions de groupe. L'objectif de ces groupes, non, je suis encore. L'objectif de ces groupes était de proposer des seuils de consommation cibles qui soit satisfaisant pour chaque typologie d'actifs. Il a été demandé d'ailleurs des remontées de données, mais bon, là, effectivement, depuis que nous sommes confinés mi-mars, c'est compliqué pour tout le monde d'aller au bout de, comment dire, au bout de, des dynamiques diverses. Donc, il y a clairement un ralentissement. Ensuite, il y a des questions qui se posent sur certains types d'actifs, les data centers, les actifs mixtes, les data centers, savoir si on les traite en seuils séparés spécifiques, si on les intègre au prorata d'autres bâtiments. Et l'esprit quand même général du texte, c'est un esprit de concertation avec les acteurs du secteur. Voilà, donc slide suivante qui est le calendrier. Donc là, on vous a mis un calendrier qui est mis à jour aujourd'hui des informations que nous avons. Donc normalement, l'arrêté méthode est en signature imminente, mais ça fait maintenant, je ne sais pas, 3 semaines qu'il est en signature imminente. Donc, on pense quand même qu'il sera signé courant avril d'une façon ou d'une autre. Et pour l'arrêté valeur absolue qui devait initialement être publié en mai, là, pour le coup, il est fort probable que ça décale entre juin et septembre, donc probablement quand même septembre. Voilà. Par ailleurs, une information sur Opéra. Donc, c'est la plateforme de test qui est disponible en version vraiment bêta pour le moment. Donc, il y a un guide d'accompagnement qui sera associé à l'utilisation de la plateforme et une FAQ qui est également en cours de réalisation sur le sujet. Et l'idée, c'est que une version un peu plus complète soit mise à disposition début 2021. Donc voilà pour ce qu'on avait à dire aujourd'hui sur le décret tertiaire. Donc l'essentiel des informations, c'est quand même ce décalage de calendrier qui fait qu'on prend quelques mois de retard sur le calendrier initial. Et donc l'arrêté méthode, dès lors que c'est signé, on tâchera de récupérer le texte et de le transmettre à ceux qui sont intéressés. Excusez-moi, j'ai une question que j'avais déjà posée par mail. Est-ce qu'on pourrait avoir la version à jour aujourd'hui de cet arrêté méthode ou est-ce que c'est celui du mois de janvier? Est-ce que quelqu'un en dispose déjà? Bah pour le moment, justement, j'étais revenue vers vous et j'avais posé la question à Marc Leroux. Et en fait, comme à chaque fois, il me répond, ça doit se signer dans les 48 heures. Pour le moment, j'en suis là. Donc, je vais reboucler avec lui et je verrai si je peux récupérer enfin un texte à vous transmettre. Merci. Mais je l'ai en tête. C'est dans ma to-do list, mais voilà. Sur le calendrier, je ne sais pas si vous aviez, vous, d'autres informations ou si vous aviez des informations concordantes avec les nôtres. Ok. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la façon dont les groupes de travail vont pouvoir reprendre. Il faut que nous, l'OID est copilote du groupe de travail bureau. Donc il faut qu'on regarde avec la DHUP et le ministère. Pour essayer de voir si on arrive à trouver une façon d'avancer malgré tout, pour justement contenir, on va dire, le décalage naturel des textes. Voilà. S'il n'y a pas de commentaires particuliers, je propose de passer à la suite. Voilà. Alors, sur la RE 2020, je laisse la parole à Théophile. Oui, merci Sabine. Donc pour la RE 2020, on va faire un petit point sur les choses qu'on sait actuellement. Pour remettre dans le contexte très rapidement, c'est la RE 2020, c'est donc la réglementation environnementale qui a pour but de suivre les accords de Paris, qui va remplacer la RT 2012 sur ses aspects thermiques pour tous les bâtiments neufs et qui est plus ambitieuse parce qu'elle vise de prendre en compte de nombreux nouveaux critères, notamment sur le carbone, le confort d'été, les polluants, avec trois objectifs principaux qui ont été annoncés, qui sont de, premièrement, baisser les consommations d'énergie, mais donc aussi de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Et enfin, les coûts et la précarité énergétique, donc les coûts de l'énergie et la précarité énergétique. Pour revenir sur le déroulement de ça et le calendrier, depuis 2016, il y a l'expérimentation E plus C moins qui a été mise en place. E plus C moins pour énergie positive, moins de carbone. Avec quatre niveaux de performance énergétique, deux niveaux de performance carbone, on va dire, et dont le but était et encore de faire remonter un avis sur la faisabilité à la fois économique et technique de tout ce qui est en préparation. Et donc, en ce moment, on est dans une phase de concertation. En automne dernier, il y a déjà eu le choix des indicateurs et des niveaux de performance. Et actuellement, normalement, donc à voir ce qui, en fonction de la situation sanitaire, à quel point ça peut avancer ou pas. Mais il y a une concertation au printemps sur les matériaux, les modes constructifs et les filières du bâtiment. Le but étant que le texte soit publié à l'automne pour une mise en application au 1er janvier 2021. Tout. Normalement, pour tous les bâtiments, a priori, il y aura peut-être un peu de décalage pour le tertiaire. Voilà pour le planning rapidement. Pour le contenu de la RE en elle-même, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut bien retenir que le texte n'étant pas sorti, on est sur des informations qui sont provisoires, éventuellement soumises à des modifications. Juste pour situer, donc effectivement, ça fait des mois qu'on a des infos qui glissent à droite à gauche. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de rassembler un petit peu tout ça pour vous donner la vision à date de ce qui est sorti comme info. Voilà, exactement. On a eu en janvier un communiqué de presse de la ministre Elisabeth Borne qui a posé un certain nombre de choses parmi les choses que je vais vous présenter après, qui a mis un premier cadre. Et donc, il y a plusieurs axes principaux. D'abord, ce qui est un peu la continuité de la RT 2012 sur la consommation d'énergie. Il y a le seuil de consommation de chauffage qui va être baissé, qui passe de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, qui passe de 50 à 12 donc, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'une amélioration des isolations plus performantes. Mais on a aussi l'idée de s'approcher au plus du bâtiment à énergie positive et donc d'avoir une énergie primaire obligatoire sur les bâtiments neufs. Ça, c'est pour la partie consommation d'énergie, mais on a aussi les nouveaux aspects qui sont pris en compte, notamment l'impact carbone du bâtiment, donc la partie C de l'expérimentation E+C-, avec le cycle de vie du bâtiment qui est voué à être analysé et potentiellement avec un seuil d'émission sur le cycle de vie du bâtiment qui va être mis en place. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que les fiches environnementales des matériaux vont prendre de plus en plus d'importance, ainsi que les matériaux à faibles émissions, les matériaux biosourcés. Mais donc, là-dessus, il y a une grosse avancée. C'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Mais les déchets de chantier, par exemple, ne seront pas encore pris en compte. A priori, il n'y aurait rien sur ce sujet-là qui serait réglementé. Ensuite, on a sur un aspect plutôt confort sanitaire, donc en plus de l'isolation qui, comme on l'a déjà dit, doit être améliorée. On a des nouveaux critères sur la qualité de l'air intérieur et des polluants. Sur les polluants, ça va mener à normalement une importance des fiches sanitaires. Donc, globalement, toutes les fiches informatives de matériaux vont prendre de l'importance et vont être vouées à être très largement utilisées rapidement. Et il y a une autre chose qui a été mise assez en exergue dans le communiqué de la ministre, qui est un nouvel indicateur pour le confort d'été et la prise en compte du confort d'été au vu du changement climatique et des risques vis-à-vis de ça qui seront de plus en plus élevés. Et notamment, en fonction de cet indice, de placer des exigences sur la ventilation pour le confort intérieur. Pour terminer, il y a des méthodes de calcul qui ont été modifiées. Ça aussi, c'est des sources ministérielles, enfin, du communiqué de la ministre, donc des choses qui sont a priori vouées à rester telles quelles potentiellement. D'abord, il y a le facteur d'émission de CO2 de l'électricité utilisée dans le chauffage qui est drastiquement réduit. Parce que dans l'expérimentation E+C-, on était sur 210 grammes d'équivalent CO2 par kWh. Et là, on passe à 79, ce qui va faire normalement beaucoup promouvoir le chauffage électrique, qui va être considéré comme beaucoup moins émetteur de carbone. Et dans la même veine, même si c'est un changement moins important, on a le coefficient énergie primaire, énergie finale de l'électricité qui est à 2,58 et qui passe à 2,3. J'ai une question par rapport au 79, excusez-moi de me couper. Oui, oui. 79, c'est fois l'énergie finale ou fois l'énergie primaire? Le facteur, c'est on prend l'énergie électrique finale ou l'énergie électrique primaire? Alors, je dois admettre que je ne sais plus. C'est la finale. Hein. C'est 2,3 fois la finale. Oui, voilà, c'est... Pardon? Oui, finale. J'ai pas compris. C'est la finale, hein, on est bien d'accord. Oui. Mmh. Ok, mais je ne vois pas à quoi sert le 2,3 alors, du coup. Oui, effectivement, il y a un mouvement, comment dire, il y a un mouvement général pour glisser vers l'énergie finale, comment dire, comme référentiel. Maintenant, ce coefficient de conversion pour l'électricité, il est quand même prévu qu'il la baisse. C'est vrai que aujourd'hui, on continue à faire les conversions pour information dans bien des cas. Donc, je ne sais pas. Effectivement, ça a vocation finalement petit à petit à, j'imagine, de moins en moins être fait, la traduction de l'énergie primaire. Mais je pense quand même que c'est encore le cas. D'accord. En fait, c'est un changement qui a été fait dans le but de prendre en compte l'évolution et l'amélioration de tout le système de transport de production de l'électricité d'ici à 2050. C'est un coefficient qui a été pris pour se mettre à jour. Le verdissement des réseaux, quoi. Mmh. Oui, et même en termes de simple amélioration de performance. Donc voilà pour ça. Ce à quoi va mener ce changement de méthode, c'est a priori une prépondérance du chauffage électrique. Prépondérance, je ne sais pas, mais une. Enfin, une. En tout cas, un soutien, en tout cas, un voilà, développement. Un gros développement. Donc ça, on parle de chauffage à la fois chauffage électrique joule et pompe à chaleur qui sont aussi voués à être plus utilisés dans le futur. Il y a un chiffre que j'ai vu passer quelque part qui parlait de passer de 35% à 55% de chauffage électrique dans le bâtiment à l'horizon 2050, je crois. Donc voilà pour les informations principales qu'on a sur la RE 2020. S'il y a des choses principales à retenir, c'est que sur ce qui existait déjà en termes de réglementation thermique, le but est d'aller plus loin et on prend en compte par rapport à ce qui existait avant un aspect environnemental plus large et notamment l'impact carbone qui est pris en compte et qui permet de, avec un seuil qui sera a priori réglementé. Je pense que tu peux passer à la suivante. Ouais. Si personne n'a de réaction, je te rends la parole, Sabine. On a mis le calendrier de l'ARE? Oui. Ah oui, il est là. Ah oui, on l'avait vu, pardon. Je ne sais pas c'est qui. Oui, donc d'autres textes sur lesquels on voulait quand même vous faire un rapide point. Donc la SNBC, pour rappel, la stratégie nationale bas carbone. On en avait parlé pour ceux qui étaient présents au GT Carbone de janvier, mais entre-temps, il y a une version révisée qui est sortie. pour notre plus grand bonheur. Donc, du coup, je vous ai refait un récap à jour des dispositions du texte. La consultation publique est terminée, hein, elle s'est terminée en février sur cette version révisée. Donc, les enseignements sont que le secteur bâtiment est l'un des principaux responsables du dépassement du budget carbone 2015-2018. Voilà, pour information, vous avez un article récapitulatif sur cette question sur le site de l'OID. Les deux graphes que je vous ai mis, c'est d'un côté les budgets carbone qui sont revus à la hausse. C'est les budgets carbone bâtiment hein, qui sont revus à la hausse pour les 10 prochaines années. Donc là, vous voyez bien, c'est assez clair, je pense, que par rapport aux budgets initiaux qui avaient été adoptés en 2015, on a des rallonges d'émissions de carbone sur toutes les périodes. Alors, dans le même temps, l'objectif final à 2050, il est plus ambitieux. Donc là, vous voyez sur le graphe, on passe de 91 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis en 1990 à 5. Donc, c'est une baisse de 94,5%. Alors que si on était resté sur le facteur 6, qui était la dernière information en date sur la division des la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on arrivait autour de 15. Ce que ça veut dire, c'est que dans la SNBC, le secteur bâtiment, il est identifié comme un secteur qui doit arriver, lui, à quasiment la neutralité carbone. Donc, on lui en demande, entre guillemets, plus, compte tenu de ce qu'on estime possible, hein, qu'à d'autres secteurs, pour pouvoir arriver à une neutralité carbone globale au niveau du pays. Cette neutralité carbone étant calculée en ayant effectivement un volet d'émissions incompressibles, tous secteurs confondus, qui seront absorbés dans un monde idéal, qui seront absorbés par les puits carbone qui auront été développés d'ici là. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, y a cet article qui est en ligne. Voilà, le texte fait 200 pages, mais l'article, non. Un mot également sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc là, c'est pareil. C'est un texte qui a été soumis à consultation publique en janvier 2020. Ils avaient vraiment envie de nous consulter en janvier 2020 et qui est maintenant figé. La consultation a pris fin en février également. Donc, pareil, on a essayé d'en extraire des informations marquantes, sachant que le texte fait 400 pages. Donc, d'une part, les informations que je voulais vous donner, c'est que au global, donc tout secteur confondu, le texte, il prévoit une baisse de la consommation énergétique d'ici 2028 de 16,5%. Oui, ce que je ne vous ai pas mentionné, la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle fait une espèce de planification et de projection du mix énergétique français jusqu'en 2028. Donc, la photo finale, c'est 2028. Et ensuite, montée en puissance de la production électrique. Donc là, vous voyez, ça fait le lien aussi avec les informations de l'ARE. Il y a une certaine cohérence. Donc, cette production électrique, elle doit atteindre 35%. La production électrique, mais d'ENR, doit atteindre 35% en 2028. On sait que dans le même temps, l'énergie nucléaire doit passer à 50% d'ici 2035. Donc ça, c'est la loi énergie-climat de novembre qui nous le dit. Et donc, on a le graphe avec l'évolution du mix attendu d'ici 2028. Donc, on voit effectivement le nucléaire baisser, à vrai dire, pas de façon drastique, mais quand même de façon continue. Et puis, la part ENR augmenter. Là encore, ce n'est pas une augmentation exponentielle, mais c'est quand même une augmentation réelle. Voilà. Sur la slide suivante, donc, pour revenir aux objectifs du secteur bâtiment, que nous dit la PPE là-dessus ? D'une part, Donc, on a repris le tableau de la consommation d'énergie finale du bâtiment. Et là, ce qu'on voit, c'est que le texte prévoit une réduction de consommation en énergie finale de 14,6%. Donc là, par rapport au... Je ne me rappelle plus la slide précédente, Théophile. Voilà, on est à moins 16,5 au global. Et donc, sur le bâtiment, on est à moins 14,6. Donc, légèrement en dessous, mais à peu près le même ordre de grandeur malgré tout. Et donc, on vous a mis les graphes qui montrent ces trajectoires-là pour le bâtiment. Donc là, vous avez effectivement le total bâtiment en vert, le résidentiel en rouge et le tertiaire en bleu. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une réduction qui est attendue de façon plus forte côté résidentiel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça ou si on passe à la suite. Oui, j'ai une information. Pour la part d'énergie nucléaire dans le mix énergétique, les 50%, on les a fait une fois dimanche dernier à 15h. Donc, je vous laisse imaginer si on doit atteindre ces 50% sur toute l'année. Il faudrait qu'on soit sur toute l'année dans les mêmes conditions que dimanche dernier à 15h, c'est-à-dire grand soleil, grand vent, pas de consommation du fait du confinement et tout le reste. Je vous laisse juger. Oui, c'est ambitieux. Je suis bien d'accord. Je vais faire LinkedIn là-dessus pas plus tard qu'hier. D'accord. Ok, non, mais c'est intéressant. C'est vrai que nous, on a quand même l'espoir d'être déconfinés d'ici 2035 quand même. Donc, il va falloir trouver d'autres façons d'atteindre cet objectif. Donc, effectivement, l'augmentation de la part du renouvelable, oui, évidemment que c'est une piste, mais on voit quand même que c'est pas le gros du... Ça peut pas être toute la solution. En tout cas, c'est pas ce que les chiffres montrent. Et ces chiffres-là, encore une fois, ils sont extraits du texte officiel.